Vous suivez la radio Isanganiro. Bienvenue chers auditeurs et auditrices. Et dans ce journal, dont voici les titres. La consommation excessive et de l'alcool augmente et le risque est de développer le foie et la maladie des reins pouvant même conduire à la mort. Le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques interpelle les gens de consommer avec modération. Les jeunes affiliés au sein des différents partis politiques devraient se mettre ensemble pour présenter le projet afin qu'ils soient pris en considération. Propos de Denis Machimewusa, expert en politique. Et certains habitants de la province Kayanza disent qu'ils ignorent l'existence des associations de la mutualité communautaire. La responsable provinciale et du secrétariat exécutif permanent de la Commission nationale des protections sociales dit que beaucoup préfèrent la carte d'assistance médicale. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga à la présentation. Cabine technique, Albert Ndouayo, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette édition par page santé. Certains des habitants de la province Kayanza disent qu'ils ignorent l'existence des associations de la mutualité communautaire. La responsable provinciale du secrétariat exécutif et permanent de la Commission nationale de protection sociale dit que beaucoup préfèrent la carte d'assistance médicale, bien que les usagers de ces cartes grognent que dans beaucoup de structures de soins, on leur refuse certains médicaments prescrits par le médecin. Rosine Doussabé indique qu'environ 13 associations de santé communautaire interviennent dans toute la province de Kayanza. Patrick Sengiumv. Ces 13 associations de mutualité communautaire de santé à Kayanza sont appuyées par UCODAME, FEMUS Kabou, Mounasa Twitwara Likane et FXB en sigle. Les habitants de la province Kayanza contactés font savoir qu'ils ne sont pas au courant de l'existence de ces associations et qu'en cas de maladie, ils utilisent des cartes d'assistance médicale, mais déplorent que dans beaucoup de structures de soins, on ne leur donne pas tous les médicaments tels qu'ils sont prescrits par les prestataires de soins. Les habitants de la province Kayanza trouvaient que l'adhésion dans ces associations de mutualité communautaire de santé l'air serait d'une grande importance bien qu'elle ne l'ait pas encore fait. Rosine Doussabé, responsable provinciale à Kayanza au sein du secrétariat exécutif et permanent de la Commission nationale de la protection sociale, fait savoir que le taux d'adhésion dans des mutualités de santé en province Kayanza est encore faible en cette province, expliqua que beaucoup des habitants à Kayanza, même ceux qui ne sont pas dans la situation de vulnérabilité, font recours aux cartes d'assistance médicale en cas de maladie. Et les demandes au gouvernement Burundi de mettre en place une loi portant catégorisation d'adhésion à des mutualités de santé par la population selon les moyens. Et aux administratifs à la base, Rosine Doussabé leur demande de mener des sensibilisations auprès de la population pour que le taux d'adhésion dans des mutualités de santé puisse s'élever. Vous saurez que le taux d'adhésion dans des mutualités de santé tourne autour de 10% à travers tout le pays. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiou va pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Sengiumva. Les effets des boissons alcoolisées sont variables selon les individus, mais aussi dépendent du taux d'alcool contenu dans la boisson. Explication donnée par le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques, tout en indiquant qu'il y a certains facteurs favorisant l'intolérance à l'alcool comme boire un estomac vide. Il indique que la consommation excessive de l'alcool augmente le risque de développer le foie et la maladie des reins pouvant même conduire à la mort, raison pour laquelle il interpelle les gens de consommer avec modération. Il le dit au moment où le BBN a récemment pris la mesure interdisant la commercialisation du boisson dit Sapor. Suivez les propos recueillis par Ornella Mucho. Les effets ne sont pas les mêmes parce que vous avez déjà vu au niveau des étiquettes, des emballages, des bouteilles. Vous allez voir que les bières ont un teneur d'alcool qui se situe jusqu'à 5, 6 comme ça. Mais pour les vins, vous allez voir que c'est autour de 12, 13 comme ça. Mais pour les liqueurs, c'est autour de 30, 40 comme ça. Cela veut dire quoi? Ce qu'on appelle la teneur d'alcool au niveau de la boisson, donc le degré d'alcool que vous voyez, cela veut dire que c'est le nombre de grammes qui se trouve dans 100 ml de cette boisson. Donc ça veut dire que quand vous consommez, par exemple, du whisky à 40%, c'est-à-dire que pour 100 ml de whisky que vous consommez, vous avez consommé 40 grammes de whisky. Et tandis que l'autre peut consommer le même verre, mais contenant du primus. Et il aura consommé 4,5 grammes par 100 ml. Donc vous entendrez que même les effets ne seront pas les mêmes. Et les principaux effets de l'alcoolisme sur notre organisme, il y a d'abord l'intoxication alcoolique qui peut nous amener à ce qu'on appelle un coma éthylique. Le coma éthylique peut même conduire vers la mort. Et une autre chose, ce sont des troubles psychiques, donc les troubles du comportement. Un autre effet néfaste sur notre système cardiovasculaire, et surtout sur notre tension artérielle, ça peut entraîner une hypertension artérielle, comme ça peut entraîner un AVC, un accident vasculaire cérébral ou d'autres maladies cardiovasculaires. Si on était tous constitués de la même façon, il y aurait une quantité idéale d'alcool. Mais ce que je conseille, c'est que chacun essaie d'être soi-même et jongler avec sa vie, sur la consommation, et surtout, pour celui qui ne peut pas abandonner, de consommer modérément d'alcool. Page politique, les jeunes affiliés au sein des différents partis politiques devraient se mettre ensemble pour présenter leur projet auprès des aînés en politique afin qu'ils soient pris en considération. Denis Machimiboussa, expert en politique, l'a dit ce vendredi après une conférence débat avec les jeunes étudiants de l'Université du Lac Tanganyika. Cet expert interpelle les responsables des partis politiques à considérer les intérêts des jeunes dans la prise de décision. Suivez-les. La première clé se trouve au sein des partis politiques. Il faut que les jeunes investissent massivement les partis politiques. Deux, il faut que les jeunes cherchent à entrer dans les instances de prise de décision de ces partis politiques. Il faut que ces jeunes ne continuent pas à se considérer comme des appendices, comme des militants de seconde zone. J'attends mon oncle, j'attends ma tante, lorsqu'il voudra, il me donnera. Non, il faut militer pour mériter. Il faut donc entrer dans les instances de prise de décision. Il faut être aux côtés de ceux qui élaborent les programmes politiques à mettre en campagne. Parce que lorsque les jeunes seront là-bas, ils vont proposer quelques projets en faveur des jeunes. Mais si vous n'êtes pas là, eh bien, les aînés politiques ne vont pas penser aux jeunes. Mais si les jeunes des différents partis politiques se mettaient ensemble, mais à part, et arrêtaient quelques projets primordiaux qui sont vraiment prioritaires pour eux, prenons dans 5 ans, et que chaque groupe de jeunes part dans son parti politique pour le proposer comme faisant partie du programme politique de ce parti politique. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, ils auront déjà investi tous les partis politiques et quel que soit le parti politique qui va gagner l'élection, le projet sera là-bas. C'est une stratégie, par exemple. Au lieu de continuer à se diviser, il faut qu'ils se mettent ensemble pour se faire comprendre qu'ils ont les mêmes problèmes et que les solutions proposées investissent les différents partis politiques afin que, quel que soit le parti vainqueur, leur intérêt soit préservé dans le programme politique qui va devenir le programme du gouvernement. Page justice, en bref, 11 détenus, dont 3 enfants mineurs, ont été libérés ce vendredi suite à une visite effectuée par une équipe de 6 magistrats conduite par le procureur du parquet près le tribunal de grande instance de Chibitoke. Selon les informations collectées sur place, 98 détenus se trouvaient au cachot du commissariat provincial de la police qui a une capacité d'accueil de 40 détenus. La surpopulation carcérale a poussé le parquet de Chibitoke de laisser libre certains détenus. Jean-Paul Savimana, procureur de la République de Chibitoke, a indiqué que les visites d'inspection seront désormais effectuées dans la semaine afin de résoudre les problèmes liés à la promiscuité des détenus. Il interpelle les humanitaires d'appuyer la justice à Chibitoke en assurant le transport des détenus dont les jugements sont prononcés, notamment vers la prison centrale de Mimba. D'après lui, cela pourra désengorger cette maison de détention tout en améliorant les conditions carcérales. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro Journal continue. Lancement ce vendredi dans la ville de Rumonge du programme Zéro Déchet par la première dame du Burundi. Angeline Ndayishimiye, à la tête de ce programme, appelle les habitants de Rumonge à protéger les collines sur Promba, la ville de Rumonge, et maintenir propres les lieux publics. comme les eaux thermales d'Omugara dans l'intérêt de tous. La ville d'Olomongé devient ainsi la troisième ville où ce programme est officiellement lancé. Jean-Pierre Misago. Le débouchage du caniveau partant du marché central de Rumongué vers l'ancien parking de la ville de Rumongué et l'activité ayant servi dans le lancement de ce programme dans la ville de Rumongué. Angéline Ndayishimiye, première dame du Burundi ayant lancé ce programme, a montré aux habitants de cette ville qu'il s'agit d'un débouchage effectué en saison sèche, mais qu'il y a risque que ce caniveau soit de nouveau bouché avec le début de la prochaine saison pluvieuse si les collines surplombant cette ville ne sont pas protégées. Pour cela, Angéline Ndayishimiye appelle à la protection des courbes de niveau récemment aménagées par plantation du fourrage dans la terre de déblé. Pour la première dame du Burundi, certains déchets sont une matière première dans la fabrication du charbon et des pavés et la population est appelée à en profiter pour gagner de l'argent en préservant l'environnement. Le site des eaux thermales de Mugara, un lieu touristique et de détente, doit être gardé propre pour l'intérêt de tous ceux qui le fréquentent. Conseille la première dame du Burundi. La ville de Rumongué devient ainsi la troisième ville où ce programme est officiellement lancé après les villes de Bujumbura et Gitega, a fait savoir Angéline Ndayishimiye avant de remettre 10 poubelles publiques. Jean-Pierre Misago depuis Rumongué, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Page agriculture, les exploitants du marais Muhara, Kagera, Rohohera manquent des semences hybrides suffisantes à entrevoir ni de mauvaises récoltes par rapport à l'an dernier. Lors du lancement officiel des semis de maïs mercredi sur la colline Nyagatovu en zone Bukuba de la commune Vumbi de la province Kirundo, le gouverneur a suggéré à ses agriculteurs de mettre en place une petite caisse afin de faciliter l'acquisition des intrants. Les détails avec Agnès Naumbagadze. Plus de 4000 personnes habitant sur 8 collines exploitent ce marais de 200 hectares, comme l'indique Riyad Dimana Leonidas, directeur du Bureau provincial de l'environnement, l'agriculture et l'élevage, qui mentionne que 6 tonnes de semences et 80 tonnes de fumier organique et minéral vont être utilisées dans ce marais. Il a aussi estimé une production de 1000 tonnes en raison de 5 tonnes par hectare. Les exploitants de ce marais s'inquiètent du manque de semences hybrides suffisantes et de fumier pour cultiver cette année, ce qui pourrait occasionner une mauvaise récolte par rapport à l'an dernier. Ils ont ajouté qu'un kilo de semences hybrides coûte 5000 francs. Ils mentionnent qu'ils sont dans l'incapacité de s'en approvisionner faute de faibles moyens, car dans cette période, ils éprouvent des difficultés à subvenir aux besoins de leur famille et surtout la préparation de la rentrée scolaire au mois de septembre qui les attend. Le gouverneur de la province Kirundo interpelle aux exploitants de ce marais de ne pas chercher d'esquisses, mais de mettre en place une petite caisse pour faciliter l'acquisition des intrants et toutes les activités champêtres. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Naumagadze. Le gouvernement burundais devrait appuyer les agriculteurs dans les recherches visant l'amélioration des rendements des semences autochtones. Jean-Marie Niongabo, président du Forum des producteurs agricoles du Burundi, FOPABU en sigle, le dit au moment où les semences au rendement importées manquent cruellement au Burundi. Suivez-les, traduit en français par Jean-Pierre Misago. Vous savez qu'au fur et à mesure du temps, des semences sont essayées. Suite à la pression démographique, le gouvernement burundais s'était investi afin que des semences hybrides plus productives soient introduites. On était encore à l'essai et voilà, ces semences sont actuellement introuvables, ce qui décourage les cultivateurs. Au niveau du gouvernement burundais, l'on reconnaît que la quantité de semences a considérablement chuté dans les stocks, jusqu'à conseiller les agriculteurs à recourir aux semences autochtones. On demande pour cela au gouvernement burundais qu'à chaque fois qu'on projette introduire les nouvelles semences, qu'on mène au préalable des études de faisabilité afin qu'on ne se retrouve pas dans la situation de départ 2 ou 3 ans après l'introduction de ces nouvelles variétés. Aux agriculteurs, on les conseille de se conformer à la modernité sans abandonner les variétés autochtones, lesquelles variétés devraient être améliorées avec l'aide de l'État sans compter trop sur l'importation des semences. Page des sociétés à présent, la population de la colline de Bouguera en commune de Kirundo demande de l'eau potable car ils utilisent l'eau du lac Rwihinda situé en cette même commune. Ils affirment que les maladies les plus fréquentes dans cette localité sont celles liées à la saleté, entre autres les maladies diarrhéiques, les vers intestinaux et les maladies de la peau. Ils demandent l'intervention rapide et surtout que ceux qui sont capables d'avoir de l'eau potable sont obligés de parcourir une distance allant de 4 à 5 km. Ou bien les autres achètent un bidon de 20 litres pour 500 francs burundais. L'ingénieur communal de Kirundo affirme que le projet d'extension de l'eau par la régie des eaux est déjà planifié, car l'eau qu'on avait obtenue par forage contenait beaucoup de fer. Les 7 athlètes qualifiés pour représenter le Burundi aux Jeux olympiques de Paris en France cette année en 2024 peuvent gagner des médailles et des performances. Et ça dépendra de les comportements à propos d'Elsie Wamahoro, ancienne lauréate au jeu de la discipline de natation à Beijing en Chine en 2008, à Londres et en Angleterre en 2012, et c'est au Rio de Janeiro au Brésil l'an 2016. Ce vendredi, le jour d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, elle appelle à ses athlètes de se concentrer pour honorer le pays. On l'écoute. Les athlètes burundais qui sont aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui vont démarrer aujourd'hui sont des bons athlètes, déjà parce qu'ils se sont déjà qualifiés pour participer. Parmi tant d'autres qui essaient d'avoir la même chance mais qui n'ont pas pu l'avoir. Déjà, si on a la carte pour la participation, c'est un grand pas. Et nous pouvons espérer grand chose de ce qu'ils vont amener comme performance, pourquoi pas comme médaille, il faut aussi rêver. Mais aussi, il faut être réaliste par rapport au niveau que nous avons parce que avoir une médaille, ça ne se fait pas dans une journée, ça ne se fait pas dans un mois. C'est un travail de plusieurs années et c'est par rapport à beaucoup de paramètres qu'il faut considérer. Mais on espère vraiment qu'ils vont bien se comporter, ils vont bien nous représenter. Et je leur présente mes encouragements, comme je sais déjà ce qu'ils sont en train de vivre déjà. Je les encourage surtout à bien prester et avoir des bonnes performances, mais aussi à profiter de l'ambiance, de la vie que les Jeux Olympiques offrent, à bien vivre avec les autres, parce qu'ils vont aussi beaucoup apprendre côté vie sociale, parce que là, au village, ils vivent avec des athlètes venus des quatre coins du monde, avec des comportements différents, des religions différentes, des races différentes. Donc tout ça, ça leur permettra d'apprendre à bien vivre avec les autres et surtout à considérer les autres sans discrimination. Et je pense qu'ils vont aussi profiter de ça et de développer une autre vision de la vie, parce qu'être dans un environnement multiculturel, ça permet aussi d'ouvrir les yeux et aussi de pousser loin sa façon de penser, sa façon de vivre. Je leur aussi souhaite le meilleur, mais surtout aussi qu'ils profitent des endroits qui ont été préparés pour eux, afin de pouvoir rentrer avec beaucoup de souvenirs à partager avec les autres et à aider les autres à rêver grand, surtout les autres athlètes qui n'ont pas pu avoir l'accès ou bien qui ne visent pas très loin. Auditeurs, auditrices de Radio Isanganiro, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal et merci de l'avoir suivi. Jean-Marie Mayonga était avec vous à la présentation. Arbindouayo assurait la mise en onde. Au revoir et bonne suite de nos programmes.